Sancho. T'es ma perle, ma perle rare. Je t'ai enfin trouvé. J'avais besoin de le dire, d'exprimer mes sentiments. Mes sentiments, yeah. Pourquoi te mentir? Pourquoi te mentir? Ça me servirait à rien. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui perle rare, ton absence m'anéantit. Moi vivre au ralenti. Cette image de toi en face de moi m'a complètement conquis. Je te partage mes ressentis. Tous les matins c'est ton parfum, j'ai envie de sentir. Quand je touche des lèvres, une vibration traverse mon corps humain. Donne-moi la main, accorde-moi un câlin. Ton visage une beauté qui pétille au soleil. Ta voix une mélodie qui s'y répète dans mon sommeil. Moi vivre au ralenti. Le jour où ton regard a eu affaire au mien, une sensation a été nouvelle pour mon corps humain. Première fois que ce sentiment m'envahit. Première fois que la foudre me frappe, ça m'a surpris. Tu dégages une lumière qui peut pas me tourner le regard. T'es ma faiblesse qui pour un pied pour un simple retard. Cet après-midi qu'on a passé à la playa, même si l'eau était verte, j'avais l'impression d'être en Corsica. Ce jour-là, tu l'as transformé en une semaine magnifique. La pomme ta main, je la sens même si t'es de l'autre côté de ma vie. Aujourd'hui, t'es dans ma vie, te laisser filer, c'est inacceptable. J'en suis sûr à 1000% que je peux être ton homme idéal. Tu dois croire que mon discours se rapproche des autres. Laisse-moi une chance, je suis un homme de parole, tu verras ce que je t'apporte. Rappelle-toi, tu m'avais donné une note. Ça a été le déclic, donc ta confiance, faut que je la remporte. Perle rare, ton absence m'anéantit. Moi vivre au ralenti. Cette image de toi en face de moi m'a complètement conquis. Je te partage mes ressentis. Tous les matins c'est ton parfum, j'ai envie de sentir. Quand je touche des lèvres, une vibration traverse mon corps humain. Donne-moi la main, accorde-moi un câlin. Ton visage une beauté qui pétille au soleil. Ta voix une mélodie qui s'y répète dans mon sommeil. Moi vivre au ralenti. Il a fallu ta rencontre pour me rendre compte d'une chose. Que celle que je croyais être la bonne n'était qu'une fausse rose. Un soir au thé, j'étais déçu, j'en ai des remords. C'était pas le but, fallait que nos liens je les raccorde. Je me souviens aussi que sur un banc je t'ai fait une déclaration. Cette barrière qui bloquait le passage, c'était la réunion. Avec du recul bien sûr pour toi, je peux prendre le large. Quitte à monter dans l'avion et à me cacher dans la soute à bagages. Ta dernière apparition réelle avant ton adieu. Mon cœur s'est retourné, je dirais même c'est plié en deux. Je sais pas si c'est le destin qui me disait de pas perdre espoir. Je me disais que je la reverrais, quitte à briser des mâchoires. L'essentiel dans tout cela c'est que tu captes la sincérité. Car je pense que l'image que t'as de moi c'est pas la bonne que t'as récupérée. Je joue pas un rôle pour te conquérir. Je suis le remède de tous les hommes qui t'ont fait souffrir. Perle rare, ton absence m'anéantit. Moi vivre au ralenti. Cette image de toi en face de moi m'a complètement conquis. Je te partage mes ressentis. Tous les matins c'est ton parfum, j'ai envie de sentir. Quand je touche des lèvres, une vibration traverse mon corps humain. Donne-moi la main, accorde-moi un câlin. Qui pétille au soleil, ta voix une mélodie qui s'y répète dans mon sommeil. Moi vivre au ralenti. J'ai été sincère jusqu'au bout. Ça me servira à rien de te mentir, comme je te l'ai dit au début. Hein? Tu penses que je suis comme les autres? Non, non. Le cœur, seul lui sait ce qu'il ressent pour toi.